Je te voulais, je t'espérais, je t'attendais, mais je n'étais pas celui-là, celui qui pour toi serait roi. J'aurais tout donné pour me retrouver dans tes bras, si j'avais pu partager ma vie un instant avec toi. Mais je me suis détruit pour toi, je n'ai jamais su t'oublier, ne m'en veux pas, je t'aime. Je t'imagine emprisonnant mon âme.